Je réessaye. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Synchro, il y a une synchro pourtant là. Putain, ils ont mis une synchro, mais alors. Mais c'est pas le bon tempo là. Oui, il vient des... Ouais, cool. Ça synchronise pas. Il y a un problème de synchro là, c'est nouveau. Écoute, ben... Ok, je vais écouter. Agressif ce son. Voilà, c'est fait la musique. t'arrêtes pas là. Je suis pas calé. Mais let's go. Bye bye. Oh putain, ça marche pas. Bug à fond, Jam Tabac.